L'archipel par Pauline Pucciano. Avenant à l'arrêté de changement de résidence des citoyens numéro Q18705, Q24347 et R00896. De chef de la communauté de classe 4 numéro 37 à chef de la communauté de classe 1 numéro 203, objet, élément utile au transfert des dossiers. Suite à l'effacement de leur mère, citoyenne numéro M45405, pour cause de dissidence avérée, les citoyens surnommés ont été l'objet d'une surveillance particulière. De fréquents changements de résidence ont été décidés pour éviter à ces citoyens de lier des contacts trop durables ainsi que pour permettre de tester leur adaptation. La citoyenne numéro Q18705, dite Albe, souffre d'une pathologie mentale sérieuse, confère dossier médical ci-joint, de type paranoïaque. Un maintien de son état a toujours été jugé souhaitable, afin qu'elle ne divulgue pas les informations qu'elle détient probablement au sujet de la dissidence. Le citoyen numéro Q24347, dit Melchior, et la citoyenne R00896, dite Anna, ont toujours manifesté, quant à eux, de grandes aptitudes intellectuelles et sociales, se sont adaptés avec docilité et facilité dans toute leur résidence. Ils semblent avoir respecté l'ordre de silence au sujet de leur mère et n'ont jamais tenté d'investigation suspecte. Concernant le citoyen numéro Q24347, à cause de ses aptitudes particulières, il continuera à recevoir de mon bureau son travail personnel. Pour celui de ses sœurs et pour tous les autres ordres, vous êtes désormais en charge. La demeure qu'on leur avait assignée était d'une splendeur ironique. Pourtant, quelle que fût leur répugnance première, quelque défiant, terrifié peut-être qu'ils fussent au sujet de ce palais marin, aucun d'entre eux ne fut capable de résister à l'alchimie puissante du lieu. L'ensorcellement des gloires mortes imprégnait les dalles et les mosaïques des bassins. Les découpes fantasques de la pierre, soudain sublimées en des grâces aériennes, rappelaient malgré elles les passions errantes, les décadences, les murmures jaloux d'autrefois. Ce n'était pas pour rien, sans doute, qu'ils eurent tous trois l'impression d'entrer sur la scène d'un théâtre. D'un théâtre dont le décor au luxe insolite, par l'extrême éclat de sa beauté, préparait au mystère encore impénétrable du dénouement. Les statues qui habitaient les couloirs, les antichambres et les patios, et que l'on rencontrait sans cesse, comme un public de pierre disséminé en cette immense scène, projetaient un peu partout leurs ombres et leurs silhouettes un peu trop humaines. Melchior songea à plusieurs reprises, à certaines imperfections de la pierre, à d'insensibles variations dans l'ocre lumineux des parois ou à la dimension suspecte de certains miroirs, qu'un tel palais ne pouvait pas exister sans les coulisses obscures d'un univers secret, organisé en un labyrinthe de portes dérobées et de passages parallèles. Il crut par moments surprendre, sur le visage livide de sa sœur aînée, les progrès d'une idée semblable et se jura de feindre, au cas où elle viendrait à lui en parler, de trouver l'idée parfaitement ridicule. Albe avait en elle trop de terreur indicible pour supporter l'expression d'un simple soupçon. Il savait qu'elle évoluait sur la corde effilée et erratique d'une psychose paranoïaque qui finirait par lui faire perdre l'équilibre. Il éprouvait une certaine amertume à contempler son visage déjà sur le point de faner, rongé de l'intérieur par le malheur et par le temps. Mais il se sentait sec à son égard. Sa pitié ancienne s'était insensiblement muée en une exaspération cruelle. Ils se perdirent les uns les autres durant la visite, lorsque le silence, hanté par le bruit entêtant de la mer, eut étranglé les paroles inutiles. Le lieu ne se prêtait pas d'ailleurs à un échange d'impressions. Il vous prenait à part pour une possession exclusive, s'offrant dans une violente intensité de sensations. Melchior, qui était seul depuis un temps incertain, se laissait mouvoir comme par une drogue, essayant à la fois de devenir familier de cette architecture et d'en demeurer le plus étranger possible, pour ne rien perdre de sa majesté subtile. Il reprit conscience sur une sorte de balcon, noyé dans la douceur extrême du soir devant la mer. L'air était si calme et si tiède qu'il n'avait pas même eu la sensation de sortir au dehors. Dans l'île, c'était à l'intérieur comme à l'air libre la même beauté rassurante, paisible, qui envahissait sans cesse le corps et l'esprit, le même filtre répandu dans l'atmosphère comme un gaz impondérable. Il entendit des voix provenant, lui semblait-il, de l'étage au-dessous. Il regarda par la balustrade et ses yeux s'arrêtèrent malgré eux sur une perspective immobile dans laquelle une rampe courbée posait lassivement un branchage couvert de fleurs. Le spectacle était de nature à le faire douter de ce qu'il avait entendu, comme s'il était inconcevable que le moindre événement survînt. Il tressaillit légèrement quand il perçut une présence à ses côtés, et en l'espace d'un instant, sa langueur se dissipa totalement. « Je ne vous ai pas fait peur, j'espère. » L'homme devait avoir un peu plus de 50 ans et souriait à travers sa barbe d'un air débonnaire. Melchior lui sourit en retour et lui serra la main. « Non, j'étais seulement en train de contempler la vue. » L'homme, avec une pointe de fierté propriétaire, embrassa la vue à son tour. « Vous vous plairez sûrement ici. Nous jouissons d'une telle qualité de la vie. Mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Gauthier. Et je me targue d'être le plus fin gastronome de la communauté, » ajouta-t-il en se tapant amicalement sur le ventre. Melchior sourit. « Je suppose que vous avez quelque chose à me remettre. » « Oui. » « J'ai déjà vu vos sœurs. Voici. » Il présenta à Melchior un coffret dont le contenu était, ne pouvait qu'être, un terminal personnalisé. Melchior le saisit en se demandant vaguement quels ordres, quelles informations il pouvait d'ores et déjà receler. « Je n'ai reçu aucune précision supplémentaire, » ajouta Gauthier. « Il va falloir vous débrouiller comme ça, » dit-il en riant. « Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tous à la même enseigne. » Melchior sourit à nouveau, de manière plus appuyée cette fois. Il était toujours de bon ton d'apprécier les plaisanteries au sujet de l'autorité. En levant les yeux, il aperçut la silhouette gracieuse de sa sœur cadette. « Anna !» dit-il. Anna, d'un pas dansant, et avec une expression de joie sans mélange, s'approcha de lui en souriant. « N'est-ce pas splendide, Melchior ?» Melchior acquiesça de la tête. Il avait toujours admiré l'extrême capacité au bonheur de sa petite sœur. Elle avait toujours été dénuée de la sensibilité prophétique d'Albe et de cette sorte d'acuité intellectuelle qui caractérisait Melchior. D'eux trois, elle était sans doute la seule à vivre et l'en concevait une condescendance teintée de jalousie. « Je suis ravi de vous voir dans de telles dispositions, » dit Gauthier. Anna lui adressa un regard lumineux qui alluma dans les yeux légèrement exorbités de Gauthier un éclair de concupiscence. « Quand allons-nous rencontrer l'ensemble de la communauté ?» demanda-t-elle. « Mais si cela peut vous faire plaisir, nous organiserons une réception dès que possible. »« C'est une excellente idée, » dit Melchior. « En attendant, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'installer, quelque part. »« Oh, il me semble que vous avez le choix des chambres, » dit Gauthier en riant. « Tu peux même en prendre 12, » ajouta Anna. « Du moment que tu me laisses la chambre ronde de la tourelle, j'ai décidé qu'elle était pour moi. » Melchior s'inclina avec une révérence un peu moqueuse et commença à s'éloigner. « Au plaisir, Gauthier, » dit-il cordialement. « Nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir avant longtemps. »« Sans doute, » pensa Melchior en composant son sourire de sortie. Ce sourire s'évanouit instantanément dès qu'il fut hors de vue, sans qu'il en eût conscience, d'ailleurs. Ces sourires que l'on portait comme des masques étaient l'une des habitudes sociales les plus anciennes de l'archipel. La lumière avait légèrement décliné dans le palais, et Melchior, dans ce monde basculant vers l'obscur, pensa à Albe. Elle devait être immobile quelque part, figée, emplie d'effroi. Il chassa son image avec colère, et arpenta ce qui lui parut être des centaines de mètres de galeries et de salles, avant de retrouver la pièce qu'il désirait occuper. Il s'agissait d'une vaste chambre octogonale, très excentrée, dont la quasi-totalité des murs donnait sur le jardin, les surplombant d'une hauteur rassurante. Il se souvint qu'Anna avait naturellement élu domicile dans un lieu un peu similaire, et songea qu'il n'aurait jamais pu choisir l'une des pièces centrales, parce qu'elles étaient environnées par une enfilade de portes, de passages, d'escaliers si oppressantes qu'il ne s'y serait jamais senti en sécurité. Albe devait pleurer quelque part, au milieu de cette construction qui matérialisait horriblement ses angoisses. « Albe !» cria Melchior. Sa voix résonna, dérisoire, dans l'immense silence du palais. Il décida de remettre à plus tard la scène pénible qui l'attendait. Il fondait partir à sa recherche dans le dédale, puis soutenir la vision de sa terreur, et enfin la prendre dans ses bras et lui parler jusqu'à l'écœurement, jusqu'à l'épuisement du sens, afin qu'elle se calme. Sa curiosité était trop grande pour supporter un tel délai. Il ouvrit le coffret, non loin de la fenêtre, et en sortit précautionneusement la machine. c'était un modèle récent, encore plus miniaturisé et plus performant sans doute. Il fit assez compulsivement les quelques manipulations nécessaires à son identification et au déverrouillage de ses données personnelles. Le message de bienvenue était laconique. Prenez vos quartiers et respectez les usages du lieu. Acceptez de rencontrer la communauté, évitez de nouer toute relation particulière avec le vieillard. Continuez à veiller sur votre sœur aînée, elle ne doit apporter aucune perturbation à la communauté et vous en êtes garant. Ne prononcez le nom de votre mère devant personne. Pour ce qui est de votre travail, vous recevrez quotidiennement désormais un dossier à traduire dans les quatre langues que vous maîtrisez. Une note de synthèse finale vous sera demandée au terme de votre étude. Melchior relut le message quatre fois. Il lui semblait que le style en était légèrement changé. Peut-être était-ce une autre personne qui gérait son cas à présent qu'il était sur l'île. Peut-être la rédaction de certains ordres était-elle déléguée. Albe. Il se leva, éteignit l'ordinateur et partit à sa recherche. Le palais était maintenant franchement sombre. Seules quelques fenêtres éclairées, comme des phares illuminant un labyrinthe de récifs, projetaient leur lueur sur les statues, les pierres, les branchages, tous noirs. Melchior trouva Albe tout en haut du palais, là où les dimensions plus étroites redevenaient humaines. Elle était adossée dans un coin de la pièce et regardait autour d'elle. Il était impossible de dire depuis combien de temps. « Je ne veux pas vivre ici, Melchior, » supplia-t-elle. « Nous n'avons pas le choix, ce n'est pas si terrible. Toutes ces pièces, Melchior, tous ces recoins meublés de choses étrangères, toutes ces portes, pourquoi nous a-t-on installés ici ?»« Voudrais-tu t'installer à côté de ma chambre » proposa-t-il. « Oui, » souffla-t-elle. « Chut, tu entends ?» Melchior se sentit plus agacé qu'il ne l'aurait voulu. « Quoi ? N'ébruite pas !» chuchota-t-elle. « On marche dans un couloir, là-bas, on se rapproche. » « C'est probablement Anna, » dit-il à voix haute. « Anna !» Anna parut ravie. « Ah, enfin je vous trouve !» Albe se détendit un peu, mais continua à prêter l'oreille au bruit extérieur. Anna avait les yeux qui brillaient. « Vous avez vu ce luxe ? Il y a des meubles anciens, partout, de la vaisselle fine, des jouets, du linge, même des bijoux dans certains coffrets. » Melchior souriait. « Nous voici donc Châtelain. » « Franchement, cette résidence est la plus belle qu'on nous ait jamais attribuée. »« Nous étions mieux à Astéria, » dit Albe. « C'était minuscule !» se récria Anna. « Croyez-vous que c'est une sorte de récompense ?»« Tu es naïve, » dit Albe sentencieusement. « C'est un piège, c'est certain. Nullement besoin d'une demeure aussi grande. Je suis sûr qu'il y a une intention cachée derrière ce choix. » Anna et Melchior échangèrent un regard exaspéré, mais ne rebondirent pas. « En tout cas, tu dois être contente, » reprit Anna en s'adressant à sa sœur. « L'île est toute petite et la communauté ne doit pas être bien nombreuse. Et alors, pourquoi faudrait-il que cela me réjouisse ?» Anna voulait simplement dire que l'atmosphère serait plus détendue, plus familiale. Albe sourit d'un mauvais sourire. « Détendue, familiale, vous ne comprendrez donc jamais. Je ne supporterai pas un autre changement de résidence, » ajouta-t-elle à voix basse sur un ton plein d'effroi. « C'est trop dur. » Anna la prit par la main. « Les ordres sont les ordres, » dit-elle. Albe la regarda longuement. « Oui, » répéta-t-elle, « les ordres sont les ordres. » Puis elle consentit à redescendre et à déballer ses affaires dans la chambre contiguë à celle de Melchior.